Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap Soumti sur Skyrock. Bienvenue en direct, même le 11 novembre, avec Soumti. Welcome on Skyrock. Soumti, how are you? Allô, bonjour. Comment ça va? Yep, good to be back. Bien, Anso, ça va pour la trad? Moi, tout va bien, comme toujours. En pleine forme pour ce bank day, hein, c'est comme ça? Bank holiday, bank, comme on avait dit hier. Voilà, c'est le jour férié, en fait. C'est comme ça qu'on prononce. Comment s'est passée cette journée, Soumti? C'était quoi aujourd'hui? Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, tes journées ici en France? How was your day today? How did it go? What's your daily life look like in France at the moment? Sleeping as much as possible. Going for walks, eating healthy food, and doing interviews, chatting to people. Alors, en tout cas, beaucoup de sommeil, ça, c'est beaucoup bien. De balade, je mange sain et je fais des interviews. Et ben voilà, et ben t'es là avec nous et puis non seulement interview ce soir, mais un gros live de prévu ce soir. There's a big live tonight. Perfect, well, I'm excited about it. We've got Giorgio in the house. Il y a Giorgio qui est à la maison. Là. Giorgio qui est là, mais Giorgio qui connaît la maison. Bienvenue Giorgio, ça va en pleine forme? Ouais, ça va à fond. Tu connaissais Soumti, vous êtes croisés en tournée ou pas, non? Non, on s'est jamais croisés en tournée. Comme toi, je sais que tu tournes beaucoup et qu'elle aussi. Donc, Bah ouais, mais non, on s'est jamais croisés, on s'est croisés aujourd'hui. Donc c'est une connexion, tu as entendu un petit peu, tu sais ce qu'elle fait aussi? Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois un petit peu. Carrément. Et toi, alors pourquoi avoir invité Giorgio dans l'émission Soumti? So why did you invite Giorgio to the show? Because he's an awesome rapper. He's one of the new up and coming youth and it's an opportunity for me to try and encourage him to write positive lyrics as well. Alors parce que c'est un rappeur chambé, parce que c'est un artiste en voie d'explosion et parce que je veux l'encourager à continuer à écrire des trucs super positifs et continuer dans cette voie. Eh ben écoute, très bien. Tu es refait pour l'instant, Giorgio? Ouais, super. Ça va pour l'instant? I'm fine. Voilà, fine. Tu parles anglais un petit peu? Ouais, vraiment vite fait. Toi qui as arrêté les cours un peu tôt, il me semble. Ouais, non ouais. Non, je parle vite fait anglais parce que j'ai pu aller un peu en Angleterre, aux États-Unis, mais vraiment vite fait. Vite je fait, pas quoi. Je vais m'y essayer ce soir. Oui, mais moi non plus, c'est pareil. Moi aussi, c'est un peu vite fait, mais je préfère les Sanso gérer. Donc ah, Giorgio qui a sorti un excellent album, tu as raison de le préciser, Bleu Noir, Giorgio qui est en tournée, il y a une date aussi bientôt parisienne ouais, qui approche. C'est la Cigale le 22 janvier. C'est au mois de janvier. Et puis d'ici là d'autres dates aussi, tu tournes ouais, un peu en ce partout, moment. Partout, je sais que le 20 novembre à Rennes, le 21 novembre à Massy Palaiseau et après je connais plus trop, on trouve tout sur mon Facebook. Et bah allez suivre Giorgio et on voilà. Débute comme chaque soir avec le morceau de Soumti, le morceau qui s'appelle Broken Robots. C'est parti, go, coup d'envoi du Planet Rap. Soldier getting up and gunning. Choose like a renegade and 4-5 wheel. On the road to nowhere, saying I'm out to peer. Find something real in the ghost. I'm beer, believing behind the shadows. And that's all. Feeling into the talk of God, I thought in a pre-cause meeting a year. Stuck somewhere in the ocean with nothing. I was sent down here with a life and a rule book. I'm plugged with a head broke when the door too fixed. Me off with the like that at school. Look, honest, see when I'm sensing a cool hook. Yeah, yeah. And a cool hook, yeah. Broken rope with a sense of a pool. C'est Soumti, notre invité. L'album arrive, c'est vendredi 13, c'est dans deux jours. Comment tu te sens d'ailleurs deux jours avant la sortie? Bien, détendu, un peu stress? How do you feel about the album two days before the release? Are you feeling relieved? Are you feeling stressed? What's going through your mind right now? I can't wait to go home and get to my bed, to be quite honest. J'ai juste hâte de rentrer chez moi et dormir. Ah, la maison, retour à la maison. Back home. Yeah, home sweet home. Ça va être quoi le premier truc quand t'arrives à la maison que tu fais? What's the first thing you're going to do when you get back home? Go to sleep. Dormir. Ouais, ça te manque beaucoup en ce moment. You lacking sleep at the moment? Is that what you miss most? Absolutely. I think absolutely. It's been very busy, quite a trying couple of weeks. We've been doing lots of interviews and all the rest of it, so yeah, I'm looking forward to getting home. Ouais, en fait, on a été assez occupés. J'ai des semaines chargées, beaucoup d'interviews. Et donc, il y a un moment donné où on a un peu envie de retrouver son chez soi. Donc, retour à la maison pour le week-end. Voilà, tranquille, avec la sortie de l'album qui aura eu lieu donc vendredi. Pour les gens aussi qui vont découvrir, est-ce que tu veux dire un mot sur ce que t'écris toi, Soumti? Qu'est-ce que les gens qui comprennent peut-être pas forcément l'anglais, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver sur cet album? Qu'est-ce que tu dis sur l'album, sur les morceaux? For those who don't speak very good English, what does your album talk about? What can they learn from your album? What's the message in your album for those who don't really understand English? The message really is that we live in a bit of a messed up world. For example, you know, we live in a world where we're being manipulated by the corporate media, by the television, etc. I have to give you an example. I think corporate radio stations, including Sky Rock, I'm afraid, you know, we generally seem to push a kind of Illuminati agenda. What is that? It's an agenda which aims to push trashy, degraded attitudes which promote gun violence, drugs, hedonism, gangster behaviour, and treating women like whores to unsuspecting young and impressionable young people and young youth. That's wrong. It's evil and it has no place in a decent society. So my message to Sky is to push music that has going to have a positive impact on young people and the youth of today. And that's what the album's really about. It's really about my exasperation with it all and also the overcoming of it, because I took myself out of that influence so that I'm no longer influenced by the negative, you know, promotions that come from the television, from the radio, etc. Because I broke free from that, that's what makes me free as a bird. I don't have to adhere to maintaining a corporate image. I don't have to adhere to maintaining, anything that's the corporate world expect me to adhere to. I'm all about be yourself and fight for what's actually right and good and decent in this world, which is goodness and decency and righteousness, and not all the rubbish that we have promoted towards us that does promote, you know, guns and drugs and gangster behaviour and going to prison. That's not cool. That just makes you a fool. Giorgio pour la traduction, excuse-moi Anso pendant que tu finis de trois trucs, le début de la traduction. Non, je te laisse traduire, moi j'ai compris. Donc le message est que nous vivons dans un monde qui est un tout petit peu en bordel. Mm-hmm. On est souvent manipulé par les médias et les entreprises, par les radios aussi malheureusement. Souvent on promouvoit des trucs comme la violence, les armes, traiter les femmes comme des putes, et ça n'a pas sa place dans une société décente. Je pense qu'en tant que musicien et en tant que gens qui véhiculent des messages, il faut avoir un impact positif, et justement mon album se bat contre ce côté un peu corporate, les grosses entreprises, les images négatives, la corruption. Justement mon album s'appelle I'm Free as a Bird parce que justement je me suis libérée de ce monde néfaste. Je pense qu'il faut être soi-même, il faut toujours être positif, il faut véhiculer un bon message, il faut traiter par exemple les femmes avec du respect, et je trouve que souvent le problème c'est que il y a tellement de choses négatives dans le monde et c'est pas cool parce qu'on n'a pas besoin de ça et on n'a pas besoin que les médias véhiculent ce genre d'image. Est-ce que c'est des choses que tu ressens par exemple en France quand t'es en France? Est-ce que t'arrives à ressentir un petit peu la société ici qui doit être aussi forcément différente de ce qui se passe en Écosse? Concerning your speech, do you sometimes feel that this is more the case in France rather than in Scotland? Do you sometimes get that there's a sort of more negative vibe in France compared to Scotland? No, I think it's all over the world now. You know, your companies like Sky and all your corporate companies, McDonald's and all these other companies, they're all over the world now. Their corporate clones are everywhere, and they are trying to push an agenda that isn't for the benefit of people. It's actually to do the opposite. It's designed to control the food in supermarkets. It's designed to make you sick so that pharmaceutical companies can make money out of you to make you better again. there's a lot going on in our system, manipulations that a lot of people are not even aware of. And I think if the, many people discovered how they were being manipulated through the media, they would, many people would not be able to deal with it. They would be absolutely shocked, to be quite honest with you. Go into the supermarket, if you don't believe me, look at the ingredients on some of the food that's fed to children, and you'll know that I'm not lying. You'll know I'm not paranoid and I'm not crazy. I'm telling you the truth here, man. En gros, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas une question de la France ou de l'Écosse. C'est un problème qui est global. C'est le problème des grosses entreprises, des trucs comme McDonald's ou des grosses chaînes de télé qui poussent un agenda pour maintenir le contrôle sur le peuple qui écoute et qui gobe en fait ses paroles et qui gobe de la merde. D'ailleurs, c'est pas que métaphorique. On gobe aussi de la merde alimentaire. Enfin, je veux dire, par exemple, si tu vas dans un supermarché, il suffit de regarder les ingrédients, on te fait bouffer de la merde comme ça. Après, t'as besoin d'acheter des médicaments, donc t'as la manipulation du monde pharmaceutique, et après t'as la manipulation alimentaire. Et je suis pas parano, hein. Enfin, il faut juste regarder les étiquettes, il faut regarder ce qu'on fait bouffer à nos gosses. Enfin, c'est de la grosse merde. Et moi, je me bats carrément contre ça. J'ai juste envie qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles, quoi. C'est tout ce que je demande. Bon, est-ce que tu arrives quand même à être heureuse dans ce monde? Are you still happy in the world we live in? I'm happy because you know, because I'm alive and I have a voice and I have the opportunity to join with the many other people out there who can actually try and do something to make the world a better place before we leave it by telling the truth to people. It's quite simple. So of course I'm overjoyed. You know, I'm free as a bird, man. I'm very happy. En gros, moi je suis heureuse parce que je suis en vie et j'ai une voix, et que j'ai envie que ma voix se joigne aux voix d'autres personnes pour en faire un monde meilleur. Et c'est pour ça que je suis donc free as a bird, donc libre comme un oiseau, parce que j'ai envie de laisser aux générations suivantes un monde meilleur et un monde dans lequel on peut peut-être mieux vivre qu'aujourd'hui. Giorgio, c'est un truc que tu partages aussi sur ce que dit Soumti, sur ce côté sûr, ouais, la sociétale. Oui, de toute façon, on le sait très bien que c'est qu'aujourd'hui les grosses entreprises, elles ont un pouvoir super important sur la société. Et mais je suis d'accord que moi aussi je suis heureux. J'ai ma voix. Et puis non, mais c'est vrai, faut rester positif. Et, bah bien sûr, non, mais ouais, parce que sinon c'est vrai qu'on peut vite se tirer une balle dans la tête. Bah, si ouais. Donc il faut apporter siens. Aussi, voilà, il faut apporter ce côté-là. Ouais. Faire de la musique, réunir les gens, je crois que c'est aussi la plus belle des choses. Bien sûr. C'est ce que vous faites d'ailleurs tous les deux. Yeah, we're coming together to make music and to make other people happy. Absolutely, that's what it's all about. Ouais, c'est exactement. On va écouter un morceau de ton album maintenant, Free as a Bird, l'album qui sort vendredi. Le titre, c'est Hard Time. Parce qu'on parlait justement. Let's do it. Hard Time, c'est parti. Allez, Soumti, c'est notre invité cette semaine. Vous réagissez avec le hashtag Soumti sur Skyrock. I'm a politician, I'm a lemon, I'm a bit of a lemon, I'm a sick another gum, but after underlining, I can't forget them. I don't know, yes, and I'm sick of it, I've no bum, boom, bang, got an underlight, and a book bearing, and I don't want to know, bing, bang, bang, but I don't make a record, and I seek, and I can rockin' on by, walking in a line, jumping up by, with a lamp on, running up a lot, with a big champion, but my wife inside, when I wanna put it like that, cause it's hard time, never get rid of hard crime, yes, hard time. I'm living in a hard time. Oh, I'm living in a hard life. In a hard time. In a hard time. I dig it, dig it, get out when I read my dad. Putting up my shirt, I'm in love with a part that I know that I'm ripping that I lay in my heart. Slug, give it a bit of word, you underline my parts. Put up with a bang, like a telephone rang, ying, ying, yang. But I'm back with a plan. Tug down, yin, and I'm at you with a big bang. Listen to the fire by my sign. Oh, hard time. Hard time, never get rid of hard crime. Yes, hard time. Like I know that you'll be living a lie. You're my boy, that's a bit of a tradition. I'll let them be digging up within them. I'm sick of the game. Put it on the limb, like a bigger than them. Hard time, never get a sin. Oh, I live in. C'est extrait de l'album de Soumti, notre invité, entre 20h et 21h sur Skyrock. Giorgio est là aussi, il y aura un live. Hein, Giorgio, il y a une belle surprise de prévu dans quelques minutes. Ouais. Une connexion, c'est la première fois que tu vas te connecter avec Soumti en live. Ouais, bien sûr. Bah oui, c'est la première fois. Et bah, pas louper dans un instant sur Skyrock, je disais, donc du live. Et puis des extraits aussi de l'album de Soumti qu'on découvre cette semaine entre 20h et 21h. Il y avait le titre Hard Time à l'instant sur Skyrock. Qu'est-ce qui se passe, Soumti? Tu as vu quoi? Qu'est-ce qui t'amuse? Concentrated on this mustache. It's one of the best mustaches I've seen in a long time. En fait, il y a un des mecs du régie qui a une moustache d'enfer. C'est vrai. C'est la meilleure moustache que j'ai jamais vue. C'est vrai que c'est très très classe, quoi. C'est-à-dire que. Camille, Tom Fire, c'est porn stache. Tom Fire, il dit que c'est un moustache pour le porn. On t'a pas salué, Tom. Prends un peu le micro qui est là aussi si tu veux intervenir. Viens t'installer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a une très belle moustache dans le studio. C'était important de le préciser. Les images sont dispo sur le skyrock.fm. Vous pouvez la mater actuellement. Et je suis en train de me dire, putain, le mec, quand il se réveille le matin. Ah, il y a un taf, hein. Ah, il y a du boulot, quoi. Il y a un sacré boulot, quoi. Bravo. Bravo. Tom, comment va? Ça va, super. En pleine forme? Ouais, pleine forme. Bien. Pour ce 11 novembre, pas trop en mode week-end? Non, ça va, moi je bosse tous les jours. Ah ouais, c'est vrai, quand même, temps dans la musique, est-ce qu'il y a des week-ends, est-ce qu'il y a des jours fériés? Non. Giorgio, tu confirmes aussi? Ouais, bah non, il n'y en a pas. Il y a un autre invité que j'ai vu aussi derrière la vitre, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. There's another guest that's hiding behind the screen. Shall we guess who it is? Yeah, on va deviner qui c'est. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est quelqu'un que déjà que t'as rencontré? Let's have a guessing game. You know what? Sadly, I've never met him. I've heard his stuff. Malheureusement, je l'ai jamais rencontré. Mais j'ai déjà écouté ses morceaux. T'as déjà écouté ses morceaux? Ça t'a parlé? And he's got... In his name, he has a cartel in his first name. Ah, donc dans son premier nom, il a un cartel. In his first name. In his first name. Dans son prénom. Shall we try? On essaye. Have a guess? Tom Fire, he's got cattle. The name of a type of cattle in his first name. Ouais, il, en fait, dans son nom, en anglais... Medellin. Non, il a le nom de ce qu'on appelle un troupeau d'animaux. Qui c'est, Tom Fire? Ouais. Non, l'invité. L'invité. Ah oui. Ox, c'est ouais, c'est comme un espèce de ox. Je pourrais même pas te le traduire. C'est comme un énorme. Ah bah si tu me demandes à moi en plus. Tom, toi qui maîtrises l'anglais aussi, ox, non? Ok, Giorgio, à qui le tour? Moi, je sais pas là pour le coup. Là. Bon, en tout cas, toi, c'est quelqu'un que tu connais bien aussi, puisque c'est on va dire, c'est Monsieur Oxmo Puccino qui est là, qui est en train de s'installer dans l'émission et qui viendra nous rejoindre pour le live d'ici quelques minutes. Quelqu'un que tu connais bien, que tu apprécies aussi. Ouais, bien sûr. Bah oui, c'est un oncle Oxmo, quoi. Ouais, c'est ça. Et ben, on le retrouvera d'ici quelques minutes, ce petit. Juste avant, on a le temps de mettre un autre morceau. On avait dit City Zoo. On balance le titre. C'est extrait de l'album qui sort vendredi 13, après-demain. Woke up this morning and decided I am going to visit the zoo today. How come? Because I'm fascinated by wild animals. So, are you going to go to Glasgow Zoo? Nah, Glasgow City doesn't have a zoo. I'm going to go to Edinburgh. How come? Because Glasgow City doesn't need a zoo. Glasgow City is a zoo. No begging for mercy to white Mercedes. Been to well and dancing ladies. Came right back for the one in the delivery room. I know you'll find me someday when I invité. Ce morceau qui s'appelle City Zoo avec nous entre 20h et 21h. L'album sort vendredi 13, tout comme celui de notre invité qui vient de nous rejoindre. Il est là, monsieur Oxmo Puccino est là. Comment ça va? Tu as vu ces applaudissements? Je suis ému, aux larmes. La foule t'acclame. L majuscule. Bon, ça va, tu connaissais son petit Oxmo? Tu as suivi un peu? Je découvre. Tu découvres le, parcours de cette jeune écossaise qui est là avec nous. C'est plus que respectable. Et qui sort en même temps que toi, donc, vendredi. Ça porte bonheur. Plaisir pour porter bonheur, il n'y a pas d'autre date. Bon, le 13 novembre, sortie aussi d'Oxmo Puccino, un album où on pourra te retrouver. La Voix Lactée. Dans toute ta splendeur, j'ai envie de dire, non? Bah, encore une fois de plus, ouais. Tant qu'à faire. Ouais. Tu connais Giorgio aussi? Attends, Giorgio, c'est la famille. Qui est sur tes traces. Non, il est sur les siennes. Il est en train de créer les siennes. Giorgio, il fait son histoire, là. Et je suis spectateur comme tout le monde. Bleu Noir, tu as dû apprécier, tiens, par contre, cet album de Giorgio. Je l'ai pas encore bien écouté parce qu'un album, faut le réécouter plusieurs fois. Voilà. Bon, ça fait plaisir. Oxmo, ça fait plaisir de t'avoir ici dans le studio de Planète Rap. D'ailleurs, je tiens à préciser, on fera un Planète Rap avec Oxmo. Alors, ce sera plus tard. Oui. Ce sera au moment de la tournée d'Oxmo. Ah. Ce sera en février. Ça sera très bien. 2016, et ce sera parfait. Ouais. J'ai envie de dire. Ça fait plaisir de t'avoir pendant une semaine. Ça faisait longtemps. Merci beaucoup. Ouais, ça m'a manqué. Bon, dans un instant, on va revenir. On va attaquer tout de suite avec le live, Oxmo. Je te dis ça parce que j'espère que tu es prêt. J'ai de la cartouche. Tu as de la cartouche de prête. Soum, on attaque direct avec le live après, hein. We're gonna do the live now. Yay! Yeah! Are you ready, Oxmo? I got the energy. Ah, yes. Ben voilà, on cherchait un mec qui parle écossais, on l'a! Elle a un bel accent. Il faut le petit accent en plus. Hein. Son accent, il est sweet. Il a le sweet accent. It's a Glasgow accent. That's an American accent, you are. I don't know the rap accent for me. It's a good rap accent. But I'm gonna stand up so I can be the same height as you guys. Donc, en gros, moi j'ai l'accent de Glasgow, mais Oxmo, je trouve que t'as quand même l'accent un peu ricain quand même. Ah bon, ouais, c'est un peu ricain. D'ailleurs, quand on va chanter, je vais me mettre debout parce que j'ai un peu envie d'être à la même hauteur que vous. Donc. Eh bien, ne bougez pas, Giorgio Oxmo Puccino en connexion avec Soumti. Just, ah bah attends, je vais le faire en anglais. Just after commercial break. Un truc qui va te plaire, tiens, Soumti. C'est le commercial break. Oui, après la pub. On revient juste après avec Soumti, Oxmo et Giorgio. Vendredi 13, Radio Libre spécial en direct du manoir de Paris. Oseras-tu écouter Esprit, Vampire, Zombie, Malédiction, Château hanté? Viens vivre l'émission de radio la plus flippante. Vendredi 13, de 21h à minuit. What the fuck? En direct du manoir avec toute l'équipe sur Skyrock. C'est la Dark Knight. Qu'est-ce que tu foux? Je suis sur Yax. C'est quoi Yax? Une applix pour dire toux et n'importe quoi. Télécharge Yax, l'appli la plus what the fuck. Yax, c'est vraiment toi. Concert Skyrock. Plus de 300 000 personnes ont déjà assisté à sa tournée. Ils nous connaissent pas. Skyrock t'offre le prochain zénith de Soprano à Paris. En direct à la radio. Rendez-vous samedi 14 à partir de 20h pour suivre l'intégralité du concert sur Skyrock. Skyrock. Promets sur Soprano. Quelqu'un vous aime-t-il en secret? Serait-ce un de vos amis, un collègue, ce bel inconnu que vous croisez parfois, ou peut-être même votre ex? Envoyez dire au 7-10-30, un astrologue vous éclaire sur votre avenir amoureux. Envoyez dire au 7-10-30. Dire, D-I-R-E, au 7-10-30. Maïdou, 65 centimes par SMS, hors coût d'envoi, 4 SMS minimum. Hurry, hurry. L'émission rap de référence, Planet Rap. C'est Planet Rap sur Skyrock. Celle qui court par 29 rue Bengla. Si t'es un loupard, benga. J'aime trop les femmes, j'aime trop la sap. Tu veux du taf, passe-moi ton number de toi la sap. Pour faire du twerk, pas besoin de work permit. 34 degrés en hiver, choc thermique. Viens en couple, en grosse équipe. Le son est thug, mais c'est pas bordélique. Nouveau bar avec ventilo et la clim. J'suis tranquillo avec la crime. Jason Voorhees au platine. Ici les filles travaillent, on dit surtout pas qu'elle tapine. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. DJ, mais du gros son tu nous régales. Y'a des gros bonnets de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mais du gros son tu nous régales. Appelle-moi Batman. Pièce de batte dans le calbar, Batman. Batman. Je règle mes problèmes à coups de batte, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. L'ouverture c'est 20h, la fermeture c'est 4h. Y'a de la fumée et de la vapeur, et de la verdure coupée au sécateur. 1000 battes la tournée de shooter. Y'a de la pupute, les dalles jouent les zookers. Tout le monde rentre ici, y'a pas de code couleur. Qui mixera demain, Snake ou Cut Killer. Y'a pas de leader, le portier c'est Bobo. Qui vient au paix, le bar final à go-go. I'm in love with my noix coco. À 12 000 km de Saint-Ouen Lolo. T'achètes doudoune, j'achète chambre de bain. Si tu pars en coucou et boum, pomme de pain. C'est le spell avec l'homopop chégué. Sois pas homophobe quand tu chites un peu pédé. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Reste pas dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la pillage et de la grosse cochonne. C'est un bar en dessous du gossip. Soir on piave comme des alcooliques. T'es même pas bonne avec ton gros slip. Une fois que je suis mao, ciao, I go sleep. C'est la haute saison. Avant de demander une photo, apprends à dire bonjour. La moitié de mon chickson est en prison. Et l'autre moitié attend son tour. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Reste pas dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. Ladies and gentlemen, 20h, 21h, Planet Rap reçoit Soumti. Skyrock. Avec Soumti, notre invité, avec Oxmo Puccino qui nous a rejoint, avec Giorgio maintenant en live, avec Tom Fire. Selecta Tom Fire est là. Yeah, tu voulais faire yeah. Mais pareil, fais pareil, Anso, s'il te plaît. Fais-nous la même ambiance, s'il te plaît. Voilà, ben voilà, on y arrive. Tiendra bon jusqu'à vendredi. Est-ce que tout le monde est prêt, Giorgio, Oxmo? I'm ready. Soum, are you ready now? We're ready. Let's go! C'est parti, session live dans l'émission. Yeah, yeah, yeah. That's what we're gonna be the Oxmo Puccino, yeah. And George and the Saint, the Saint and Eight. And if you wanna stand up, cause you know we'll fight. If you wanna stand, yeah, fall to the light. Never wanna do this, never wanna do that. Never wanna get up and talk unless I hear the hits. I'm getting dragged right down. Being dragged down. If you wanna find that light, if you wanna know we're gonna do the debate. If you wanna see what is coming inside. Yeah, yeah. And I want to spread their friends. If you wanna do, cause you know that ends. It's a way, it's a way, it's going to end. If you wanna find that truth, if you wanna find that way, that youth gonna hear the grass of your tooth. If you wanna find that way, I say, yeah. And I know I'm gonna find that grace. Tell them how to do and get up in that right place. All you need to do is find and know that good grace. When you wanna follow. Yeah, I never really wanted to drag myself down that same road. But again, I came and came back. And I said I would come back again. If you find the truth, you'll see it. Cause you'll see it's coming plain. Yeah, and I know that it's only a game. If you know that what you're doing is standing, don't be ashamed of standing and saying that you have made a mistake. Like you know, you're coming back again. You know you're coming back again. And then you're listening and you know that you ain't missing anything to do. I said this truth, I never listen. But I know that it's my mission. If you want to stand and listen, yeah, I'm opening the door, come to admission. C'est la fin, donner des airs d'adulte à mes rêves d'enfant. Mais comment être un homme, on se perd à faire semblant. Je comprends mon père et je fais que lui ressembler. J'emmerde ta jeunesse dorée, tu te celle qui a plus de repères. Défoncé, dépressif, névrosé. Je coupe mon bénéfice avec des potes fauchés, écorchés. J'ai bu du NSI jusqu'à plus savoir compter. Je connais pas l'histoire, non je me dois de la vanter. J'écris mon destin prêt pour le festin des dieux. J'avais déjà un album, mais merde, peut-être que j'en ferai deux. Je me dois guérir tous ces problèmes qui m'handicapent. La vie, une feuille blanche, à pensée noire fait du remplissage. Et je suis trop loin à tester la mort. Ouais, frère, c'est hardcore, tous les plans que j'élabore. Pour quitter le navire, sans me noyer dans l'alcool. Addict à mon smartphone, je réponds peu à ma daronne. Et je le regretterai le jour où elle va perdre la vie, les nerfs à vif. On calme la jeunesse à base d'extasie. On voulait le haut de l'affiche, on finira plus bactère. Goûte la zèbre et roule en perse en guise de thérapie. It's a lot of weird shit, still you know what get this. If you understand, you know the truth, you're gonna live this. When you want to keep and you want stand and rewind, cause you know we're gonna be your mind. If I walk blind and you tell it cause you know it's in your mind. Don't you let them in and play like you, you know that we are kind. And we're good and we're righteous, tell them what to do. I said the mightiest, is it gonna be a way we're... Hey, can you find out where you're going in this life, and you don't get dragged down, and you're gonna find a way out. Oxmo Patino. Yeah. À cheval sur tout est possible. Quand j'ai mal dormi, j'ai la plume hérissée. La mauvaise vibe, je dois la pulvériser. Tant que le public ne hurle pas, ça rigole pas. Je balance l'index en l'air tel Travolta. Ton souci c'est pas le rap, mets tes œillères. Va-t'en que mes fans poussent un houillère. Cette vie est un steeple chase, faites-la quand même, serre un verre, allume un triple chase. Je redressais la tour de Pise. Quand je rappe comme ça, ça fait plaisir à mon pote ce pire. Au frisbee, je joue de l'auréole. J'ai les modèles au-dessus, sans les mains pendant les rodéos. Well, you see, I take the one to find this. You know we're in the open sea. I said the mind is something that needs to be so free. If you want to find the truth, yeah, take it from me. With them dubs on the deck, yeah, them sound way killer. Step up on the villa, as I step up on the villa with a mic check, blowing up the speakers in the hillers. Come with us and we will all get stoned like beginners. Oh, saints and sinners, that might do. Oh, yeah, yeah. Of all your fame, when your time has come, oh, you won't have a name. Oh, stripped of all your will, stripped of all your fame. When your time has come, les liens que je crée sont plus forts que ceux qui se brisent. Je l'ai appris avec l'âge, en hyperactivité. Quand dans ma jungle urbaine, toutes nos écorces se cassent. Avancer de SOS en cri de guerre, grâce à mes cordes vocales ou de promesses en prière, font de moi un homme stable. Passer de la haine à l'amour, puis de l'amour à la haine. Y'a toute une mort à la perte, tout un combat à refaire. Comme un été trop j'étouffe, comme un métro rempli, comme un accord commande. Ma conscience est plus un crime commis. Personne n'imagine à quel point c'est dur d'élever un père qui part. Parole d'enfant d'un divorce interminable. Je vois encore des coups qui fusent avec mon frère, joue aux arbitres. Je compte y passer les prochaines années, mais dur parler d'avenir. Y'a pas qu'au pute que tu peux parler trottoir. J'ai dormi dans la street, déménagé trop de fois. Dans les HLM de province, les foyers de Paname, les squats de banlieue, les requins qui viennent du rock m'attendent des bombes, personne peut mettre sans eux. If you want the dubs on the deck, yeah, you find the truth is all about giving others respect. But I never want the power standing in my final hour. If you want to find a way to stay out the rain showers, yeah, you find it. I tell you what to do, I'm never blinded, cause I know that it's within. And if you see, I'm never sighted, unless I find the truth and love within. I said I put the list on, and he knows it. I begin singing. Stripped of all your will, stripped of all your fame. When your time has come, you won't have a name. Stripped of all your wealth, stripped of all your fame. When your time has come, oh, you won't have a name. And dust we come, and to dust you go. And from dust you come, and from dust you go. Yes, guys, we're gonna play Tom Fire, Giorgio, Oxmo Puccino. Woo! And to dust you go. Just reference. Little black butterfly, I see you flying. A little black butterfly, I see you crying. A little black butterfly. To me, the judges I can't believe what I have seen over the years, and I'm busy. does a bit sweet, one mother in a bit. Sweet keeper, really needs a breeze like a tree with frozen nose, hot dogs, a top and pose. Faith in the above and every spirit in the door, and the border silence. Hunting like a lion, and I'm still defying lies. I put you up against Zion, tell him you don't have the power to raise you up, but we didn't find the light inside and power. People are locked in boats from the sky. Rain showers are blind you, Mr. Beast around you. Like a match, and I'm heading to stew. Anybody in the garden coming for you? But I fly, I see you fly, a little black butterfly. I see you cry, oh little black butterfly, yeah. Don't you know you're mine? Don't you know you're mine? Oh yeah, yeah. Oh oh. Hey, Giorgio. Même quand l'amour prend de l'ampleur, c'est souvent les jeudis gris, des papillons noirs dans le cœur. On chasse le silence en pleine nuit, on essaye, on en meurt, on se lève le visage sale, les yeux marqués par les pleurs. Y'a le temps qui passe, les secondes qui réparent, les années qui détruisent. Le whisky dans les bars quand la vie en coupe de méprise. Mais les secondes sont pas moins fortes que les années, appuyées par des sentiments. Je vais plus m'envoler, moi et mon âme de dissident. J'ai un seul ciel pour poser mes yeux Yves, moi. Je veux contempler la terre depuis ses rives. Ne surtout pas mettre le feu à mes vœux d'enfant triste. Un jour je deviendrai un homme heureux et accompli. Pour l'instant ma tête est fatiguée, remplie de corbeaux. Mon corps brûle les flammes entre le marteau et l'enclume. Je pense à des hypothétiques drames, j'endors plus. Et comme d'hab j'envoie ma poésie et mon pain dans le mur. Butterfly, I see you flying, a little black butterfly. I see you crying, a little black butterfly. Ça, c'est un morceau de mon album Bleu Noir, version exclusive, avec Soumti, Rêveur. C'est pour les rêveurs incarcérés dans des prisons réelles. Un tacle avec les deux pieds, si nous dessinons nos peines. Se livrer à son petit frère, c'est une décision mortelle. Parler de rêve de brûlure, d'un petit con qu'on en sorcelle. Ouais, je te jure qu'il me comprend. Lui qui veut vivre de sa passion, il a vu ses potes détruire des projets. Anatole a quitté la maison, créant son propre Odyssée. A vu ses potes du lycée, créant leur propre hécatombe. Dans les roues des bâtons, je l'ai vu sécher les cours. Je lui ai dit, fais pas le con, morale classique. Juste pour l'honneur et pour la mama. Imagine la fierté d'avoir un fils dans les études, en même temps grand footballeur. Un jour il me racontera peut-être tous ses problèmes de cœur. Je lui dirai, n'écoute pas ta tête, sans ta belle sœur je meurs. En vrai t'as pas le choix, ignore pas toutes les raisons. Si facile de faire une croix sur son propre horizon. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. I came out of a shadow grave and checked I was alive. How the hell did I get here? How did I survive? I can try another rhyme from the depths of my mind. Did another lamp and then my soul I couldn't find. That one kind that I couldn't see, but I was not blind. I couldn't even walk, but intact was my spine. Hear the bell chime, was it the end? Is it fine? Sitting at the grindstone, continue to grind. Shine like the sun in an Indian summer. Is it what I tell myself? What I tell my mother? Working in the air with no one caring, no one bother. It used to be a lion, but no one to hear your honor. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et si tu tombes, n'aie pas peur de te relever. Ouvre tes paupières, inévitable. Les rêves sont faits pour être réalisés. Sunti Giorgio, Oxmo. Yeah, big man come like with Giorgio. Yes, papa. Je cherche un merci pudique parce que riche d'un public. Brave gars, quand t'auras rempli la nuire, tu sauras ce que c'est que d'arpenter la scène, crier secoussa. Chanceux, tout le monde s'est déplacé soir. Ce ne sont pas des histoires de petites stars, vos bras en l'air, c'est ma victoire. Garçons, mes raps sont nominés aux Oscars. Voici le condensé. Les malins font, les coquins vont danser. Rap Quendo, septième dan, troisième Ponce. Ce qu'on peut faire plaît, même sans perplexe. Les concerts sont complets, ils ont la rage. Petit name, Abdoulaye. Faut que tout soit doux en live. Ça vient d'où? Danube, do or die. Sur la vibe. Petit name, Abdoulaye. Faut que tout soit doux en live. Giorgio et Sumti. Yeah. And I'm looking for the sunshine. And I'm looking for good vibes to find. I'm looking to walk that line. It's gonna take us up to feel fine. And I'm calling out those colors. I'm gonna tell him how to walk, but the days get taller. If you wanna find a smile with us, you know, we dance a while. Cause I know that I'm hanging around with good folk. Like to stand and laugh, yeah, what the good jokes. If you wanna find, yeah, we'll sit and we'll smoke. Find a gun, yeah, yeah, you know, I take a talk, but sometimes I need to know what to do. I never lose, yeah, and I can see through our rules. From the government, they say, yeah, you wanna find another place. Remuer le ciel, ce moment c'est l'essentiel. Sans se dire merci. La scène est belle, les mélomanes aussi. C'est ça, sur la vibe. Sur la vibe. Petit name, Abdoulaye. Faut que tout soit dans live. Sur Sky, avec Giorgio et Sumti. C'est ainsi, c'est une belle mélodie. En famille. Sur la vibe. La vibe. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm Snowy Kino on the same tonight. Explosive. Woo! Explosive. It's explosive. No coat hanging down the rain. Just see behind the door. I want and gold or gold dragging my feet along the shore. With no bag to carry shoes. I wear a song within my throat. I have everything I need to get me to the serpent's boat. At the end. Endormis dans des journées sans fin, qui connaissent le goût de la vie et les règles qu'on enfreint. La nuit porte conseil, règle des dilemmes sans lendemain. Un chant de stade, deux allures, des requiem sans chagrin. C'est ce que j'imagine quand je vis ta vie dans mes lunes. Je crois pas être dans l'erreur, en tout cas j'évite d'en être une. C'est tellement dur de lire à travers tes écorces. Fruit du même amour qui, comme beaucoup, a fini en divorce. C'est pour les rêveurs dans le coma sur la civière, qui pleurent des larmes à la sueur de leur carrière. C'est pour Sumti, un contrôle, une toise def. 90 minutes et puis on s'arrête. Keeper, no more of us have been lost out here. Yeah. A speck of dust up on the street, I've seen a heavy load, which I'm taking off my back to. n'aura pas une autre nuit infinie que ne nous aura pas, on les veut tous. Donne-moi les mots qui se moquent de la myopie, changerai ma coquille en gnocchi. On peut avoir les propos mais pas l'esprit, fais couler les de l'émotion que je l'exprime. Ton oreille est acquise car je suis riche de mes speeches, fais-moi la bise avant que tu ne lises Nietzsche. C'est la vie d'Aloca qui a le mojo, c'est comme ça. T'inquiète pas de ce qu'on fredonne, retiens juste le mot freedom. Chino, yeah, and Giorgio, never gonna stand up, yeah. It's the one in the flame, for your temper gonna toss a damn in the frying pan. Like if you wanna see, you wanna come and slam. Damn, I feel like it's enough, Sam. Don't get me right shit if you wanna see, and if it's all I got me going like General Electric, yeah. The nights are blinking, I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow, that's why I don't mess with a big 4-0. Bro, I gotta maintain, cause Oxmo and Giorgio are going insane. On arrive pas au galop en selle sur un âne, en embobinant un coup de discours à 10 balles. Reste là-bas si en retard tu vas venir, l'absent a toujours eu tort de revenir. J'aiguise ma pointure, ce monde est dur, on savait de quoi te plains-tu. Se méfier de l'inconnu, je trouve ça dingue. À cheval sur deux cultures, c'est au moins être bilingue. Je réponds pas au téléphone, j'ai qu'une parole. Vocal, mais c'est vertical, slalom. Dans deux secondes, je vais tirer le chapeau pour Giorgio. Yeah. Incompris dans le rap, tel les Beastie Boys, hystérique comme une petite qui chiale en contrôle les flics missiles. Je te crois, ça fait clip plus pas, c'est embêtant. Je déteste la violence, je préfère la romance. Mais si tu joues trop l'arrogance, je suis obligé de te rentrer dedans. Même si ça me fait mal au cœur, je te mets des droites. Hein. Et puis prends mes doigts d'auteur, je crache le feu. Tu sais comment ça se passe. Ma voix est pire qu'un schlass, motherfucker. Insane in the membrane. Insane in the brain. Everybody said it. Insane in the membrane. Insane in the brain. Trumpet and I hit that bong and take you off something soon. I got to get my grubs, cops, trying to burn my grubs. Yeah, Chris wanna blow my house down, underground to the next town. I get mad when I come to rock my bed and I'm out in the land you scared. Yes, I'm the pilot of my ship. When I get with the ultraviolet dream, I form the red light dream. Now the view word of the unseen. To make your ass rain. Hey, Soumchi, Oxmo, Puccino, hein. On marche dans la ville, mes gars tiennent leur bouteille par le goulot. Touche à la famille, il y aura des bénévoles pour le sale de faire boulot. Rien ne sert de menacer, on sait que t'excelles dans le blabla. J'ai jamais tapé de lacets, posé dans des grands apparts. Je manie les lettres, mes textes sont meilleurs que des mandats cash. J'ai aucune dette, mais je suis stressé comme un trader de Goldman Sachs. Oh là là, pose la cam, c'est de la frappe, c'est trop crapuleux, déçu. Tu vas pas assumer comme un frère amoureux d'une pute. Quoi le plus fort, le bonheur avec ou la tristesse sans. La routine, un viol auquel on assiste pleinement. On dit que ça va au bord de la falaise qui a pire. Regarde le fumer son crack près du bowling de Porte de la Chapelle. Je représente le district. T'es vite fil, échapper les fils. Si ces victimes se prennent pour des rappeurs, bling bling bang bang, c'est si triste. Des peines de ballon, ça flirte avec le triple 6 dans un survêt de Chelsea. C'est un appel à la révolte, nous a. Ah. Yeah, yeah, yeah. I'm a living, I'm a living. The truth is what we're giving, and we're all going. A little local, yeah, it ain't no joke. Oh, if you understand it, cause I take the truth from a Giorgio and the Oxmo and Bacchino and the sound. All the people eagerizing from the underground. And if you find the truth, you know that the truth is what you found. Tonight on Skyrock, give a rush to a bounce, bounce. If you wanna find the truth tonight, we're on fire, yeah. You know it was timeless. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, we're back. Been living in our time. And we'll survive. Yeah, we're surviving. And the truth is, we just barely hanging on, yeah. Hanging on by your thread to this life. Yeah. There's nothing but drags you to hell. And you'll find out what the truth is when within you're at the bed. Pour une avance dans la slow life. Au prix, la chair humaine, prendre son temps n'a rien de trop naïf. Tellement d'enfoirés font droit vers le mur, qu'il va falloir en construire un autre moins dur. Afin de ne pas comparer son malheur au suivant, il faut décider d'être heureux de son vivant. Le boulot fini, honorer la quittance, pense à l'horizon en séparant les distances. La slow n'est pas la no life, sors les antennes cap, respire un peu, écoute ce cœur battre. Faire la différence entre le lieu et l'espace, spectateur de sa vie, au mieux c'est l'extase. Slow life. Une envie, un chemin, un rêve, un voyage, un regard vers le large. J'attends si peu des autres, j'ai déjà déçu les miens. J'attends beaucoup de l'amour, mais pourquoi est-ce un chien? J'en ai trop vu se planter, faire des croix sur le futur et accepter qu'on puisse rien faire pour les sauver, c'est le plus dur. Réaction égoïste, ma tête me terrorise. Quitte à partir, fais-moi mourir de rire. Rien de pire que la honte qui te hante. Quand tu entends un rire comme un couteau qu'on te plante, tu repenses avant, avant les coups de poing dans le ventre. Car aujourd'hui c'est pas rien de respirer quand l'air sent les regrets. Le beau temps, les envies, ils m'ont tous esquivé. Ils m'ont tous esquivé. J'aimerais prier la vie d'un jour sans me punir. Pourquoi pas dire au revoir et m'enfuir. Pour la revoir et pour m'enfuir. I lost my mind too many times. Living in this shadow. Rose up, yeah, I tried to know this. I tried to rose up, I tried to get an Osef. And if you want to find the truth, I find in Joseph. And Jesus is the God, you know it, Joseph. And if you find a way, the truth, I know. If you see it once, you wanna find your echo. Can I find a way out the dark, yeah. And I've been saved from a place out, dark place. And I have a coil, yeah. And I took the road up. To have fun, yeah, yeah. Took the road up to heaven, yeah. À l'instant, en live, bravo, quel plateau, quel live dans Planète Rap. Avec Soumti et ses invités, Giorgio, Oxmo Puccino, merci à vous messieurs en tout cas. Bah, c'était un plaisir. C'était un véritable vite. Plaisir. Ouais. Très bien. Ouais. Merci. Très très vite, mais pas assez pour arriver juste au moment de la sortie, puisqu'il faudra encore patienter deux jours, la sortie de l'album de Soumti et le tien aussi. Exactement. Oxmo, la Voie Lactée avant une tournée 2016. Une tournée fantastique. Une tournée fantastique. On peut te suivre partout sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les dates. Merci d'être passé en tout cas, Oxmo. Mais merci de l'invitation, merci Soumti, merci Georges de sa présence, c'était super formidable. Vraiment. C'est. Quelle énergie, quelle force. C'était du positif, de l'amour. Toute une histoire dans sa voix. Et puis la. Et puis la. Merci. La vitesse sur laquelle elle rentre dans le son, quoi. D'accord, à qui, quoi. And you have a really fast impression. And precise flow. C'est great. Awesome. Merci. Et ben merci d'être venu Oxmo, on se retrouvera en 2016 au plus tard. Et puis d'ici là, la sortie d'Oxmo, c'est vendredi, loupez pas la Voie Lactée. Giorgio, c'est dans les bacs, t'es tranquille. Ouais, c'est le taf est fait. Ouais, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Il n'y a plus qu'à aller le chercher. Et puis aussi, pareil, une tournée pour Giorgio, ouais, à pas louper. Qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé. On est en plein dedans là. Et la Cigale le 22 janvier. 22 janvier, la Cigale, ouais. Faut se dépêcher parce que c'est bientôt complet. Ah bah alors, allez vite prendre les places pour aller voir Giorgio. Merci beaucoup, Soumti, une fois de plus. Thank you very much. Merci, thank you again. Et where's my dates? You said you would bring me some dates today. Ils sont où mes dates? Parce que tu m'as dit que tu me ramenais des dates aujourd'hui. Ah bah, been waiting all night. You said you'd bring me. J'ai oublié les dates. He said j'avais dit ça. Oui. Momo, j'avais dit ça. Ah, c'est toi qui devais les ramener, Momo. Qu'est-ce que ça fait? Demain. Demain. Soum. Charlotte, get us some vegetables. Charlotte, prenez-nous des légumes. Voilà. Your legumes, on viendra avec des haricots verts, on viendra avec tout demain, t'inquiète pas, on aura tout. Voilà. Beans, whatever. Ce serait une jardinière de légumes avec des dates en plus. With dates as well. Merci, okay. Merci beaucoup, thank you very much. Merci. C'était un beau plateau, c'était beau soir aussi dans l'émission. Avant de retrouver Difool et la Radio Libre, en direct évidemment, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la totale Maître Gims. Stacy de Dijon, ça va bien Stacy? Oui, ça va. Et avec un prénom comme ça, tu dois parler anglais parfaitement, Stacy, non? Non, pas trop, non. Ah, merde. Incroyable, quand même. Hein. Incroyable. C'était oui, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Pourtant, tu es bien là pour faire tourner la roulette et me faire un magnifique stop. Dès que tu veux, tu dis stop, tu connais le principe, on a lancé la roulette. Seems like the beginning of sometimes it feels like. Parfois, ça ressemble à cette chanson. C'est vrai. Stacy. Eh ben, c'est Maître Gims. Il y a deux places qui t'attendent pour Dijon. Pour la grosse tournée de Maître Gims, on te fait des bisous. Stacy, passe une bonne soirée. Merci. Avec tout ton, oui, avec toute ton équipe derrière oui. Que j'entends. Vas-y, vas-y, vas-y. Passe une dédicace à mes parents qui sont en train de m'écouter. Eh ben, toute la famille. On salue tout le monde. Merci. Ciao, ciao, Stacy. Passe une bonne soirée. Thank ciao, you, Soumti. On loupe pas vendredi 13, sortie du projet de Soumti. Puis demain, tu reviens aussi. Tomorrow, you're coming back. Mais ouais. I can't wait. J'ai hâte. Et bah nous aussi, on sera là avec les légumes promis. T'inquiète pas, il y aura les dates, il y aura tout. Et merci une fois de plus à Giorgio, à Oxmo. On va retrouver Difool maintenant sur Skyrock et toute l'équipe de la Radio Libre. Ah. Coucou Fredo. Je me suis dit, c'est une petite blague. Mais non, Fred, on est très joueurs dès le début de la Radio Libre. J'entends ça, ça va? Et toi, bien, tranquille? Bah écoute, bien, en pleine forme. Voilà, 11 novembre, gros Planète Rap qui continue demain et vendredi. Vendredi 13, à ne pas louper la sortie de l'album. Et puis, vendredi 13, à ne pas louper notre rendez-vous au Manoir. C'est une journée à oui. événement. Ah ouais, ça va être magnifique. Ah ouais, vivement vendredi 13. Mais d'ici là, il va se passer plein de choses. Il y en a plein qui se disent vivement ce soir, parce qu'on a Ritza qui vient nous voir. Et ben, il est déjà là. Eh ouais, il est déjà là. Il vient de disparaître. Il était derrière moi il y a deux minutes et là il est déjà là. Il fit. Là, c'est dingue. On est déjà dans des trucs surnaturels. C'est pas vendredi 13, mais on est déjà dans des trucs surnaturels dès le début de l'émission. Peut-être là. Qu'il a eu peur de Romano. Il est là, il est disparu. Bah, magicien. Et je me suis retourné, t'étais là. Au début, je dis bonjour à Fred, t'étais là. Je me retourne et je fais Ritza. Et tu voulais te casser en fait. J'ai disparu en deux secondes. Bah, tu viens de réapparaître. Très bien. C'est ça. T'as eu peur. C'est le fantôme de Ritza qui était avec nous. Le fantôme. Ouais, Ritza avec nous dans la Radio Libre. Si vous avez des trucs à lui dire, vous profitez. Faites le hashtag Ritza sur Skyrock si vous voulez tweeter. Autrement, le 41759, l'appli Skyrock, le skyrock.fm. On fera le tirage au sort aussi pour ceux qui veulent aller à la Dark Knight de vendredi soir. Ouais, au Manoir de Paris. Il va se passer plein de choses. Et là, pas de pub. On se met juste la bande-annonce qui fait peur. Et parfait. Juste après, c'est parti en direct avec Ritza pour la Radio Libre. Et avec vous tous et vous toutes en direct, vous pouvez débarquer en ce 11 novembre. On est là jusqu'à minuit. Allez-y, profitez. Et puis toute l'équipe est là aussi. Et le son de Lefa là pour démarrer. T'aimes bien Lefa, Ritza? Ouais, il est lourd. Il est lourd, c'est quelques minutes. Quelques minutes. Dans quelques secondes, il arrive pour nous là. Allez, salut Fredo, à demain. Ciao. Ciao. Vendredi 13, Radio Libre spécial en direct.